Il y a donc une cloisonnance. Ce vendredi 11 novembre 2011, 11-11-11, jusqu'à 23h, l'émission Nuisance à partir de 21h vous proposera des rires et des chansons sur la radio bien connue et comique, tellement elle est connue, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est évidemment clair que la responsabilité n'échoit à personne de cette désunité, de cette désunion même. L'avenir étant déjà dispersion. Nous allons donc disperser et toute l'une Lyon ce soir ensemble. Peu nommée, celle de la bien-nommance, justement, y en a-t-il, y en a-t-elle? Ce soir, le costume bien séant d'une opération déambulatoire, toujours omnipotente. Potence donc comme la potence d'une réaction. Impossible donc. La potence d'une réaction impossible donc. Donc le contraire de possible. Impossible tergiversation des contraires, s'il en est. Des contraires, s'il en est. Thank you. possible transversationnalisation. Toujours un tant soit peu transversationnel. Sensationnel, je veux dire. Transversationnel donc. Nous le disions. There's something going on. You better be warned. God damn. You've gotta be knowing what's happening now. It's hell, man. It's hell everywhere. They'll die in the east, they'll die in the west, they'll die in the north, the south, everywhere, center. It's all dead everywhere. They're all dead, man. And we're all gonna die after them. They're all dead already, man. We're all gonna die, man. Quick! Quick! Let's happily be ever after. Nothing. Dead. And goddamn if I know what's happening, man. God damn if I know what's happening now, man. Just gotta know, man. Just gotta know. I'm snapping forever. I know what's happening forever, man. I don't know. You gotta be kidding me. Something wrong here. Something very wrong. Ce qui va mal. La terre va mal. Les gens vont mal. On va tous crever. Crever. Crever. Crever les abcès. Maintenant qu'il n'y a plus de réponse, vous avez trouvé la solution. La mésentente est reine et maîtresse de tout. Chez l'humain. L'humain. Crevons les abcès purulents. Révolution finale. Révolution finale. God. God damn, man. We're all gonna die. So fuck it, let's all die, die. Now that I've said something wrong, I know we're all gonna... Whoa, fuck, what the fuck's going on, man? Y'a quelque chose qui va pas? Y'a quelque chose qui va pas? Y'a quelque chose qui va pas? Fuck, man! Let's drink to this! Nuisances up in our asses, yeah! C'est sûrement la plus ferme de toutes les apologies de l'alcool que j'ai jamais pu faire dans n'importe quel... une émission de radio. Pardonnez mon désarroi. Oh shit, what have I done? There's no more shit on anything. Now, what am I gonna do now? There's nothing to do. There's nothing to do. What are we gonna do now? What have we become? I mean, what have we become? What have we become? Hey? What have we become, man? It's like this, you know? And I don't think it's ever gonna be different, you know? What have we done? What have we done, man? I don't know. Do you? Do you fucking know, man? Do you fucking know? Really think I'm gonna believe you know. you believe I know so much about y'all? Do you know so much as to actually think I'm gonna believe you? Do you actually think I'm gonna believe you now? Now, I mean, now that I've said it, there's no way out of it. It's never gonna be okay. It's never gonna be okay. Is it okay already? Have I done right? Ai-je bien fait? What is there to say anymore? I mean, what is there to say anymore? And that's what I meant. That's what I meant. I mean, not that there's any reason not to believe. I mean, it's like quand on se retrouve dans un pays nommé et que celui-ci ou là, celui-ça, vous éclate à la gueule. Qu'est-ce qu'on fait? De ce pays, je veux dire. Oui, que fait-on de ce pays? On le prend et on le jette. On le brûle à qui veut le vent. Mieux que nous. Lui le veut le vent. Le pays. Et nous, qu'est-ce qu'on en veut le pays? On en a rien à foutre du pays, nous. Ce qu'on veut, c'est des gens intéressants, peut-être. Des gens pas rendus blafards et blêmes par une société livide. Non? J'ai dit non. Ah, je crois pas que vous voyez ce que je veux dire exactement. Oui. Ce soir, nous voulions vous présenter dans Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. La réalité d'un phénomène, d'un hyper-phénomène. L'absconcité. L'absconcité, donc, dans son rayonnement intégral, comme le Saint Graal nous fait peine, tant il est pénible à entendre le Saint Graal, ça nous fait peine. Donc l'absconcité ce soir pour vous, sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Tant soit peu donné. Tergiversation. Pas que ce soit possible, mais merde, putain. Faut quand même essayer. Essayer. Vous avez même pas essayé. Merde. Même pas essayé, merde. Putain. Chier, merde. Vous avez même pas essayé, merde. Putain, fais chier. Et merde, putain. Merde, saloperie de merde. Chier. Ouais. Chier, ouais. I got a solution, baby. Yeah, that's my solution. My solution, my final revolution. Yeah. Fuck. Fuck it all. Yeah. Cool. Seul être humain capable de supporter. Une telle merde pendant plus de 30 secondes. Et nous allons passer donc au blues de la soirée, le blues en catimini. Posez-vous bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelle merde. Come on. God damn, what a fucking fuck, man! I hate this shit. Quel bordel! Je crois que c'est innommable le bordel qui passe à cette antenne en ce moment même là. Innommable. Damn, if I know what's happening. That can't be me. That can't be me. Thank you. Okay, now that I've said about just about... sorry about that. I'm sorry. Bon, ben voilà. C'est dit. Désolé, excusez-moi. Excusez-moi. Parler de la situation qui m'est arrivée donc il y a un temps soit peu de temps. Donc ça s'est passé un autre jour qu'aujourd'hui. Si, si. Comme je vous ai dit, c'était quelque chose d'horrible, d'horrible. Enfin, je vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis maintenant, c'était horrible. Et c'est à ce moment précis que le mec il m'a dit ben va te faire, tu vois. Je lui ai dit non. Je préférais lui dire d'aller se faire foutre. C'est la vérité. Alors, soyons sérieux. Un moment. Pensons au futur. Au passé. Soyons sérieux. Oui, donc comme nous disions, nous avions donc contacté une possibilité donc d'action transparente. Toujours cette émancipatoire réaction qui nous obnubile. Et on tasse un peu de dache. Oui, gnarc, gnarc. Oui, gnarc, gnarc, gnarc, gnarc, gnarc, gnarc, gnarc. Na. Bruno. Encore une Beyond Budge, banger, encore une. Cette émission a un but. Cette émission a un but, rendre la vie pénible pour encore un auditeur ou une auditrice au hasard. Oui, c'est vous. La vie est plus pénible, n'est-ce pas? Que d'habitude, je veux dire. Oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude. Parler en travers de la gorge comme ça. Mais on s'y fait vite, je vous rassure. Nous vous rassurons tous ici à Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est presque 22h et vous êtes à l'écoute de l'émission Nuisance, Nuisance avec un S à la fin. L'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens. Avec nous-mêmes. Et vous savez ce qu'on dit dans l'émission Nuisance. Bienvenue à la merde que nous sommes sur cette petite planète bienheureuse. Nous sommes la grosse merde. Bienvenue. La merde bienheureuse, c'est nous. L'obstruction ne soit que momentanée. Il y a donc une petite chance que nous en sortions. Oui, que nous en sortions indemnes. Permettez-moi l'expression. Merde. Oui, merde. Putain, merde. Ouais, c'est génial. Merde. Alexandre, allez, merde, toute cette merde. Cette merde. Allez, c'est fini. Pour l'instant, tout du moins. On va penser à autre chose. Ceci est donc le son d'un Larsen The Vintage Tweed Cabinet Volume Microphone with A Plus Amplifier Cabinet Holder and a Stool. Nous avons compris donc l'omnipotence d'une telle possibilité. Celle-ci étant un peu plus tempérée. Disons-le carrément. Nous allons maintenant passer à Ramfire Turbo Stupid Motherfucking Dumbass Shit Faced Come Walking Swallow This My Asshole. Oh yes, oh yes, I speak to my asshole. Happiness is just one step away of madness. Ceci est donc un Ramfire bucket up my fucking bum as I give a fuck. I mean, something is going wrong here. There's something very wrong here. Mr. Sokold has gone insane. Insane! God damn it! What are we gonna do now? I mean, it's not like we've lost it already, or have we? Sur les murs, buvant tout notre soul, nous allons tous crever. Y compris vous. Il y a tant de possibilités. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Où nous plaçons-nous? Vous voulez la situation financière? La santé? Le bonheur? les bonnes dents qui vont avec. Eh bien, ce n'est pas ici que vous allez les trouver. Crevez tous en paix, Prout. Vous êtes encore là, quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous? Maintenant, n'observons pas l'observance, mais désobligeons l'obligeance. Et nous y sommes. Donc continuer à marcher. Chouette. Ça y est, nous y sommes arrivés. Presque. Continuons à marcher. God damn! That was good, man! Let's go on! Let's go on further away from this fucking hell! Fuck it! Fuck us all! Yeah! God damn! You gotta know! Faut savoir, mec! Faut savoir! Vaut mieux savoir! Faut soit précis! Précis! Précis, bordel! Bordel! Faut que soit précis! Bordel. Et ça y est, on revient, nous sommes sur Terre, ensemble, pour encore une petite trois quarts d'heure peut-être de folie. Oui, nous sommes avec le club. Enculé. Club foutre. Ouais. Nous sommes dans le club. On boit, on nage, dansons. Et le foutre. Miam. Nous sommes donc autant de fruits de la société qu'il y a de perversions naturelles. Chouette. Il nous reste pourtant trois quarts d'heure à tenir dans un brouhaha incessant. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Nul ne le sait. Nul. Alors il faut buter nul. Il faut buter le nul en soi. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais vous croyez où? Ici, c'est Nuisance. Nuisance avec un S entre parenthèses à la fin. L'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Du vendredi 11. 11. 11. Nous allons tenir peut-être jusqu'à 11h ce soir. Alors on va se calmer. Trop de coïncidences. Trop de coïncidences! Merde! Je crois que j'ai oublié de me brosser les dents! So I was telling the motherfucker, go away! Go away, goddammit! We don't want you here. And he was saying, well, I don't know, you know. So I was saying, fuck it then. You see what I mean? And so the guy said, I don't care. And I looked at him, I said, oh my God, what the fuck's wrong with you, man? You're only saying things once. You gotta be sick. It's irrational, you know? C'est pas rationnel. Y'a un truc qui va pas. C'est comme s'il y avait une tempérance dans le coin. Ça tempère. Et ça refuse d'obtempérer. Merde. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va lui brûler les ailes. On va lui cramer la morve. pour voir ce que ça fait. Non mais, voyez ce que je veux dire. Ou alors, on va peut-être juste la laisser crever en paix. Mais ça, ça m'étonnerait. Donc, passons l'histoire de la réalité. Nous allons parler de déraison, d'incohérence. Et de cela de façon incohérente et déraisonnable. Ouais. Alors, déraisonnons en paix. Prout. Car nous sommes encore ensemble pour 40 minutes. We are here together. 40 minutes still. 40 minutes. voici le son d'un couloir. Le son d'une douche. Thank you. Thank you. Vous êtes à l'écoute du Canal Sud 92 Deuillin, Toulousain, et ouais bien, car Canal Sud est point net. Nuisance vous souhaite une agréable soirée en projection, une pitoyable, impitoyable. Quoique pas dramatique, la banalité ne se fait pas sentir. Sur votre gauche, la droite est pareil. Voilà, en face, derrière, c'est la même. Au-dessus, en dessous aussi. Merde. Thank you.

Voilà, il est donc bientôt 23h07, bientôt, je veux dire. Nous sommes donc en présence d'une atrophie mentale perpétrée donc par votre serviteur. Nous, ici, à Nuisance. Donc, une mission qui nuit au sens, une mission de toutes les nuisances. Du 11 novembre 2011, 11, 11, 11, il est 23h, c'est 11h. Soir, mesdames et messieurs, j'ai peur de mourir en sortant d'ici. Que vais-je faire? Je ne sais pas. Sûrement m'en prendre à Dieu ou à vous. Qui sait? En tout cas, il est bientôt 23h et. Bientôt 23h08. Une minute exactement quand j'ai dit bip et je n'ai pas dit bip. Que va-t-on faire? Que va-t-on devenir? Je ne sais. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oublions pas, nous allons bientôt crever d'abcès, c'est sûr, nous allons bientôt y arriver. Mais on n'y est pas encore.